Chapitre 1 du livre premier des Misérables, tome 2. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2. Cosette, livre premier, Waterloo, chapitre 1, ce qu'on rencontre en venant de Nivelles. L'an dernier, 1861, par une belle matinée de mai, un passant, celui qui raconte cette histoire, arrivait de Nivelles et se dirigeait vers la Hulpe. Il allait à pied. Il suivait, entre deux rangées d'arbres, une large chaussée pavée, ondulant sur des collines qui viennent l'une après l'autre, soulèvent la route et la laissent retomber, et font là comme des vagues énormes. Il avait dépassé Lillois et Bois-Seigneur Isaac. Il apercevait, à l'ouest, le clocher d'ardoise de Braine-l'Alleud, qui a la forme d'un vase renversé. Il venait de laisser derrière lui un bois sur une hauteur et à l'angle d'un chemin de traverse, à côté d'une espèce de potence vermoulue portant l'inscription « Ancienne barrière numéro 4 », un cabaret ayant sur sa façade cet écriteau « Aux quatre vents, échabeau, café de particulier ». Un demi-quart de lieue plus loin que ce cabaret, il arriva au fond d'un petit vallon où il y a de l'eau qui passe sous une arche pratiquée dans le remblai de la route. Le bouquet d'arbres, clairsemé mais très vert, qui emplit le vallon d'un côté de la chaussée, s'éparpille de l'autre dans les prairies et s'en va avec grâce et comme en désordre vers Braine-l'Alleud. Il y avait là, à droite, au bord de la route, une auberge, une charrette à quatre roues devant la porte, un grand faisceau de perches à houblon, une charrue, un tas de broussailles sèches près d'une haie vive, de la chaux qui fumait dans un trou carré, une échelle le long d'un vieux hangar à cloisons de paille. Une jeune fille sarclait dans un champ où une grande affiche jaune, probablement du spectacle forain de quelque kermesse, volait au vent. À l'angle de l'auberge, à côté d'une mare où naviguait une flottille de canards, un sentier mal pavé s'enfonçait dans les broussailles. Ce passant y entra. Au bout d'une centaine de pas, après avoir longé un mur du XVe siècle surmonté d'un pignon aigu à briques contrariées, il se trouva en présence d'une grande porte de pierre cintrée avec imposte rectiligne dans le grave style de Louis XIV, accostée de deux médaillons planes. Une façade sévère dominait cette porte. Un mur perpendiculaire à la façade venait presque toucher la porte et la flanquait d'un brusque angle droit. Sur le pré, devant la porte, gisaient trois herses à travers lesquelles poussaient pêle-mêle toutes les fleurs de mai. La porte était fermée. Elle avait pour clôture deux battants décrépits ornés d'un vieux marteau rouillé. Le soleil était charmant. Les branches avaient ce doux frémissement de mai qui semble venir des nids plus encore que du vent. Un brave petit oiseau, probablement amoureux, vocalisait éperdument dans un grand arbre. Le passant se courba et considéra dans la pierre à gauche, au bas du pied droit de la porte, une assez large excavation circulaire ressemblant à l'alvéole d'une sphère. En ce moment, les battants s'écartèrent et une paysanne sortit. Elle vit le passant et aperçut ce qu'il regardait. « C'est un boulet français qui a fait ça, lui dit-elle. » Et elle ajouta, « Ce que vous voyez là, plus haut, dans la porte, près d'un clou, c'est le trou d'un gros biscaïen. Le biscaïen n'a pas traversé le bois. « Comment s'appelle cet endroit-ci » demanda le passant. « Hougomont, dit la paysanne. Le passant se redressa. Il fit quelques pas et s'en alla regarder au-dessus des haies. Il aperçut à l'horizon, à travers les arbres, une espèce de monticule et sur ce monticule, quelque chose qui, de loin, ressemblait à un lion. Il était dans le champ de bataille de Waterloo. Fin du chapitre 1, tome 2.